Le porte-parole du Conseil pour la réconciliation nationale a publié le 17 juin un entretien qui dit « Il y a quelque temps, à la cérémonie d'ouverture de la 20e législature de l'Assemblée nationale, Pakoune a de nouveau mis en cause notre nucléaire pour inciter à la confrontation. Et à la réunion consultative pour la démocratie et l'unification pacifique, elle a envoyé un message vidéo plein de calomnies. Elle est sortie de sa chambre de la Maison Bleue à la veille du 16e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune du 15 juin pour pérorer que le développement nucléaire du Nord empêche l'amélioration des rapports Sud-Nord et que c'est le moment de la lutte de la volonté pour accomplir l'objectif qu'est la dénucléarisation du Nord. Cela montre telle quelle la lâcheté de Pakoune, folle à tout moment du refus incurable à l'égard des compatriotes qu'elle ne peut pas abandonner jusqu'à la mort et de la phobie du nucléaire du Nord. Elle a bien tort d'estimer notre développement nucléaire comme l'obstacle principal à l'amélioration des rapports Nord-Sud. S'il est ainsi, il est naturel de taxer les autorités sud-coréennes qui introduisent des armes nucléaires des États-Unis depuis des dizaines d'années, de fanas de confrontation qui empêchent dès l'origine les rapports Nord-Sud. Comme le dit l'opinion de l'intérieur et de l'extérieur, l'obstacle principal à l'amélioration des rapports Nord-Sud est aujourd'hui l'hostilité à l'égard de notre République et les menées de confrontation de la bande des conservateurs pro-américains. L'amélioration véritable des rapports Nord-Sud, désirée par tous les compatriotes, commence par la suppression des fanas de confrontation pro-américains comme Pakoune. Elle doit bien le savoir. Si elle dit que notre nucléaire est une menace sur la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne, en Asie Nord-Est et dans le monde, c'est une dénaturation de l'essence du duel nucléaire coréo-américain. Les États-Unis qui ont couvert le monde du grand réseau nucléaire et effondrent sans merci les pays qui ne suivent pas leur intention par la matraque nucléaire nous exercent en ce moment même la plus grave menace nucléaire. Et s'y joignent leurs suivistes du monde occidental, y compris les réactionnaires japonais. Si nous possédons le nucléaire taxé de menaces par les fantoches, c'est le choix inévitable pour la défense de la dignité, de la souveraineté, du sort et de l'avenir contre le despotisme et l'agression des forces coalisées impérialistes sous la coupe américaine. Notre nucléaire, développé au prix des dépenses énormes, ne porte pas atteinte à la paix et à la stabilité dans la péninsule coréenne et dans le reste de la région, mais devient une force réelle qui empêche une nouvelle guerre mondiale ultra-régionale, plurispatiale et multifonctionnelle. Ceux qui mettent en question notre nucléaire sont justement les pires fanas de guerre nucléaire, perturbateurs de la paix. En se tenant la ligne et l'orientation en matière de réunification de la patrie, les plus justes et équitables, précisées au 6e congrès du Parti du Travail de Corée, nous avons tendu de nouveau la main de la bonne volonté et lancé plusieurs fois des projets de dialogue pratique sans mettre en cause le passé, bien que le pouvoir Pakoune a commis des crimes inexpiables devant la nation. Mais elle prétend malicieusement que c'est pour se débarrasser d'une situation difficile créée par les soi-disant sanctions et pressions. Elle est vraiment imprégnée de l'hostilité. Elle a dit qu'il faut rompre le cycle vicieux, provocation, dialogue, compensation, nouvelle provocation causée par nous. C'est un sophisme pour cacher la nature du provocateur. Le dialogue entre nous et les forces hostiles a été réalisé puisque les agresseurs n'avaient d'autre moyen que de plier les genoux devant notre riposte juste et intransigeante. Et les soi-disant compensations, c'est ce qu'elles ont payé à cause de leurs crimes. Pakoune a mis en cause aussi le problème des droits de l'homme chez nous, mais c'est pour dissimuler la violation des droits de l'homme en Corée du Sud, critiquée à l'intérieur et à l'extérieur. Si Pakoune cherche sans réflexion à calomnier pour sa survie, elle sera mise au banc de la société par l'indignation de la nation.